الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc le cours de la semaine dernière portait toujours sur les rites, le livre des rites funéraires tiré du livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wa kitab al-aziz. Donc la semaine dernière, le premier chapitre que l'on avait étudié et traité était le chapitre des condoléances, en arabe at-ta'ziya, qui signifie at-taqwiya, qui signifie le renforcement, de renforcer la famille du défunt dans leur peine. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant les condoléances? Quels sont les différents jugements qu'on a cités faisant attrait aux condoléances? C'est illimité. Non? Que c'était illimité, qu'il n'y avait pas de laps de temps pour... Ahsan, qu'il n'y avait pas de laps de temps pour faire les condoléances à la famille, mais quand tu les rencontres, alors fais-leur les condoléances, même si cela dépasse les 3 jours, car beaucoup pensent que cela est restreint à 3 jours. Ensuite, comment se font les condoléances concrètement? Ad-du'a. Non? Ad-du'a. Ad-du'a, c'est-à-dire? Ad-du'a pour... Non, c'est pas ça les condoléances. At-ta'ziya, c'est quoi? Le réconforter la famille. Voilà, c'est réconforter la famille. Et on leur dit comment, de quelle façon? Quelle est la meilleure façon ou les meilleures paroles à dire pour réconforter la famille? Non? Des paroles qui peuvent leur faire du bien. Les meilleures? Ouais. Et ça, ce sont des paroles autorisées. Ouais. Et de leur dire des paroles qui les réconfortent, etc., c'est autorisé. Car toute parole que tu dis réconfortant la famille fait partie des condoléances. Mais quelles sont les meilleures des condoléances à faire? Ahsan, celles qui ont été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi elles, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et ensuite de conseiller la famille de patienter et d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 2 choses dont il faut s'abstenir, qui sont interdites en matière de condoléances, qui sont de prendre un endroit khas pour ça, de prendre un endroit et se réunir uniquement pour faire les condoléances. Cela est interdit en islam, c'est même une innovation. Et la deuxième chose qui est interdite également, non? De faire à manger pour les gens qui viennent faire plaisir. Non, de préparer de la nourriture pour ceux qui viennent faire les condoléances. On avait cité à ce sujet le hadith de le professeur Sam a dit Isna'u de Al Ja'far Ta'ama, préparer pour la famille de Al Ja'far lorsque Ja'far radiallahu anhu a été tué, préparer pour sa famille de la nourriture car un événement est survenu qui va les préoccuper. Et on avait dit que certains utilisent ce hadith pour dire qu'il est autorisé, légiféré, de préparer à manger pour ceux qui viennent faire les condoléances. On a répondu par le hadith du professeur Hassan en lui-même. Et ainsi disent les savants, comme le dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, toute preuve qu'utilisent les gens des innovateurs, il y a dans cette même preuve une preuve contre eux. Regardez, j'utilise le hadith de Al-Ja'far où le professeur Hassan a dit préparer pour la famille de Ja'far de la nourriture. Ils utilisent ce hadith pour dire qu'il est autorisé de préparer de la nourriture pour ceux qui viennent faire les condoléances. Et bien dans ce hadith même, il y a une preuve contre eux, car le professeur Hassan a dit préparer à la famille de Ja'far et non pas à ceux qui viennent leur faire des condoléances. Ensuite, on a parlé du chapitre de ce qui est profitable aux morts même lorsqu'il a quitté cette vie d'ici-bas, car cette vie d'ici-bas, c'est une vie, comme le disent certains savants, c'est une vie où il faut agir et où la personne n'est pas récompensée, ou pas tout le temps récompensée. Quant à la vie de l'au-delà, c'est une vie où il y a la récompense de ce que tu as fait et il n'y a point d'action. Il n'y a point d'action à faire dans la vie de l'au-delà. Donc la première chose qui profite aux morts lorsqu'ils décèdent, qui est de faire des invocations en sa faveur. Les invocations que tu fais pour un défunt, cela lui est profitable même après sa mort. Ensuite, qu'est-ce qui est profitable aussi aux morts? Nordin. Naam. Comment? Naam. Ce qu'il a laissé, les fruits qu'il a récoltés, les fruits de ses efforts. Les fruits de ses efforts lui seront bénéfiques. Ça peut être des biens ou ça peut être ses enfants. Ensuite, qu'est-ce qui est aussi profitable pour le mort? Naam, Bachir. S'il avait des dettes, de payer ses dettes. De rembourser ses dettes, que ce soit sa famille ou toute autre personne, lorsque les dettes du mort sont remboursées, cela lui est profitable même dans sa tombe. Et on avait dit que cela n'était pas restreint, la dette n'était pas seulement une dette matérielle, mais ça pouvait être aussi un jeûne ou un vœu. Ouais. Ou bien un vœu. Celui qui a fait le vœu de donner quelque chose, si Allah lui donnait telle ou telle chose, eh bien il doit donner cette chose obligatoirement. Et s'il meurt, il est légiféré, ou plutôt il est même obligatoire à la famille du défunt de mettre en pratique ou de compenser ou de rattraper ce vœu. Comment on l'appelle le plus en arabe? Al-Nadr. Non, Al-Nadr. Allah SWT dit yawman. Et ils mettent en pratique leur vœu. Yufuna bin nadr wa yakhafun, et ils ont peur d'un jour où il y aura beaucoup de châtiments, qui est le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces châtiments et de ces tourments. Et aussi, une autre chose qui est profitable aux morts, même lorsqu'il est dans sa tombe, ce que les savants appellent as-sadaqatu al-jariya, ou en français l'aumône continuelle, c'est-à-dire une aumône qu'il aura fait durant son vivant mais qui perdure et de façon continuelle même après sa mort, comme celui qui plante un arbre, comme celui qui construit une maison, etc., ou celui qui a laissé un bien, des traces pieuses derrière lui, celui qui a été la cause de la conversion de quelqu'un, etc., etc. Ensuite, on a parlé de la visite des tombes. Quel est le but de la visite des tombes? Non. De se faire un rappel de l'au-delà et de rattraper le tombe. Sainte. De visiter les tombes permet aux vivants de se rappeler de l'au-delà, de se rappeler toutes les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faites, que chacun d'entre nous va mourir et que chacun d'entre nous ira soit au paradis, soit en enfer. Et cela raffermit les cœurs lorsqu'ils sont durs et fait couler les larmes, comme l'a dit le professeur Assalam dans un autre hadith. Et concernant la visite des tombes, on avait dit qu'il y avait une divergence de savants à ce sujet. Concernant la visite des tombes pour les femmes, certains savants l'interdisent, d'autres l'autorisent. Ceux qui l'autorisent, quelle est leur preuve? Non. Tandam. Non, c'est le hadith dans Sahih Muslim où le professeur sallam est parti faire des invocations pour les défunts ou ceux qui ont été enterrés dans le Baqir, et en revenant le professeur sallam a informé Aïcha et lui a appris l'invocation à dire lorsque on visite les cimetières. Or le professeur sallam n'aurait pas appris cette invocation à Aïcha si cela n'était pas autorisé pour elle. Et ensuite, quelle autre preuve? Non. La femme qui pleurait. Non. Le hadith où le professeur Sam est passé près d'une femme qui était en train de pleurer son fils décédé et elle était au bord, au pied de sa tombe, et le professeur Hassan lui a dit isbiri. Le professeur Hassan lui a dit de patienter, et lui a répondu qui es-tu pour me dire, tu ne sais pas, tu ne connais pas le mal ou la douleur, la grandeur de la douleur que j'éprouve. Alakoulihal, ensuite elle s'est excusée lorsqu'elle a su que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith aussi qui prouve qu'il est autorisé aux femmes de visiter les tombes. Kuntu Naam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, au début, il était interdit de visiter les tombes, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Mais par la suite, cela a été abrogé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit visitez-les maintenant. Et lorsqu'il a dit visitez-les, cela englobe les hommes comme les femmes. Et concernant les savants qui interdisent à la femme de visiter les tombes, quelle est leur preuve? Non. Non, Hassan. Où le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit: لعن الله زائرات القبور, وفي رواية أخرى زوارات القبور. Où le Prophète صلى الله عليه وسلم a maudit celles, en parlant des femmes, qui visitent les tombes. Et dans une autre version, celles qui visitent de façon fréquente les tombes. Ils disent que cela, que ce hadith du professeur Hassan est clair et qu'il précise l'autre hadith où il a dit maintenant visitez-les, c'est-à-dire maintenant visitez-les hormis les femmes, car les femmes qui visitent les tombes sont maudites. Et ils ont répondu au hadith de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle visitait la tombe de son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr, ils disent que c'était un ijtihad de Aïcha radhiyallahu anha et que la parole du professeur Hassan passe avant tout. Et les autres savants qui ont autorisé ont répondu à ce hadith en disant qu'il est déconseillé à la femme de visiter fréquemment les tombes, car le professeur Sam a dit La'an Allahu zawwarat al-qubur wa zawwarat bi sighat at-tashdid. C'est-à-dire que le professeur Sam a dit zawwarat ce n'est pas comme za'irat, et zawwarat ce sont celles qui visitent très souvent les tombes, et c'est ce qui est déconseillé pour les femmes, voire interdit chez certains savants. Ensuite, on a cité les différentes choses qui sont interdites à faire au niveau de la tombe. La première chose, à part Bachir, qu'est-ce qu'il est la première chose qu'il est interdit de faire au niveau de la tombe? Non? Il est interdit de prier. Il est interdit de marcher dessus. De s'asseoir dessus. D'égorger pour Allah, on ne parle pas d'égorger ni pour autre qu'Allah, cela est interdit dans tous les cas, mais d'égorger l'iwajillah, d'égorger même pour Allah au pied d'une tombe, cela est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la aqra fi l'islam. Il n'y a pas de aqra en islam, et le aqra c'est ce que faisaient les arabes avant l'arrivée de l'islam, lorsqu'ils égorgeaient des chamelles et des vaches, etc., au pied de la tombe du défunt, en disant voici la bête qu'il avait l'habitude d'égorger pour ses invités, voici maintenant nous l'égorgeons pour lui, afin que s'en nourrissent les oiseaux et les animaux féroces. Ensuite, donc on a dit qu'il est interdit aussi de marcher dessus, de s'asseoir dessus, de construire dessus. De décorer la tombe. De décorer la tombe, naam. D'écrire dessus. De prier en direction de la tombe. De prier dans le. De prier dans le cimetière. Le fait d'allumer des bougies. Le fait d'allumer des bougies, naam. Et concernant le. Et on a aussi dit qu'il était interdit de plâtrer la tombe. Ça rentre dans le décor. De mettre du plâtre, naam. Ça rentre dans le. Il y a certains savants ont dit car cela. Est une décoration pour la tombe. Or, les tombes en islam ne sont pas décorées. En islam, les tombes ne sont pas décorées. Sauf on a dit qu'il est autorisé de recouvrir la tombe de terre cuite ou autre lorsque la terre est sableuse. Yani, comme on a dit, que la tombe doit être surélevée au maximum d'un empan de la surface de la terre. Si la terre est sableuse et que tu recouvres d'un empan au-dessus de la tombe mais que c'est du sable, combien de temps ça va rester? Et donc les savants autorisent dans ce cas de mélanger le sable à de la terre afin que cela soit rigide et résiste au vent et aux intempéries. Et concernant Al-Kitaba, le fait d'écrire sur la tombe, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? C'est interdit, mais si il y a un barora, on peut écrire si par exemple pour reconnaître la tombe. Ahsant. Qu'il est interdit en islam là-bas, c'est que c'est interdit d'écrire sur les tombes, mais dans les cas où les pierres qu'on utilise pour reconnaître les tombes ne suffisent pas, si le cimetière est trop grand et si le nombre de pierres est beaucoup trop important et que cela ne permet pas, quelle que soit la position, quel que soit l'endroit où tu places les pierres sur la tombe pour la reconnaître, il n'y a pas de possibilité. Alors dans ce cas-là, il était autorisé d'écrire, et à l'aide d'écrire de façon brève, que ce soit un signe ou autre qui te permet de reconnaître la tombe de ton proche. On avait dit aussi qu'il était interdit de considérer, Ahsant, la tombe comme un lieu de fête que l'on visite pendant un moment bien déterminé, etc., etc. Cela est interdit. Également, de construire une mosquée dessus. Il est interdit de construire une mosquée sur une tombe. Que doit-on faire si on construit une mosquée sur une tombe? Détruire la mosquée. Ahsant. Lorsque une mosquée est construite sur une tombe, la mosquée doit être détruite. Et lorsque le mort est enterré dans la mosquée, De déterrement. Ahsant. Et lorsque le mort est enterré dans la mosquée, une mosquée déjà existante, et qu'un mort y est enterré volontairement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterrer le mort. Déterrer le mort et l'enterrer dans un cimetière musulman. Naam. Qu'est-ce qu'ils disent les ulémas sur le Masjid Nabawi? Sur le Masjid Nabawi, on a parlé de ça la semaine dernière. C'était pas la semaine dernière. Naam. La question a été posée concernant le Masjid Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre dans aucun de ces cas. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été enterré dans la mosquée, ni la mosquée a été construite sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était-elle existante durant son vivant? Oui. Donc elle a été construite avant sa mort. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Il a été enterré chez lui, dans sa maison. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, la mosquée avait besoin d'être élargie. Et le premier élargissement qui a été fait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait par le cinquième cadre Khalil. Par Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a commencé à élargir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a élargi du côté opposé à celui de où était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite est venu l'élargissement de Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, qui lui aussi a élargi, car il en a jugé la nécessité, a élargi aussi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté qui n'est ni celui de Omar al-Khattab ni celui où était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis sont venus certains rois des Omeyyades qui eux ont jugé qu'il était nécessaire d'élargir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de sa maison. Ils ont alors détruit le mur qui séparait la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont élargi la mosquée et ont entré la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est enterré dans l'enceinte de la mosquée. Donc cela est une erreur, comme le disait savant, c'est une erreur. Le mieux aurait été d'élargir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de laisser sa maison et l'endroit où il est enterré et en est isolé de façon bien distincte. D'accord? Mais malgré cette erreur, cela n'interdit pas de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni été enterré dans la mosquée et ni la mosquée n'a été construite sur sa tombe. Wallahu a'lam. D'ailleurs, elle a fait une dua en fait. Elle a dit, ils ont dit et une dua pour que sa tombe ne soit pas prise comme cimetière. Non. Le Prophète sallam a interdit que l'on construise des mosquées sur les tombes. Ensuite, on a dit qu'il était également interdit de voyager pour aller visiter une tombe. Cela est interdit même pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allez, ensuite, donc je vous avais dit que cette semaine, on allait énumérer quelques innovations qu'a cité Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Ahkam al-Janaiz wa Bida'uha, dans son livre Les règles funéraires et leur innovation. Cheikh Al-Albani rahimahullah, à la fin de son livre, a énuméré à peu près 260 innovations qui sont liées ou en rapport avec les règles funéraires. Donc j'ai choisi quelques-unes de ces innovations, car pour toutes les citer, cela ne suffirait pas en temps. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, au début de ce chapitre, a expliqué pourquoi est-ce qu'il a cité ces innovations, ceci pour mettre en garde les gens, comme le faisait Hudayfah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, lorsqu'il dit kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharri makhafata an yudrikani. Hudayfah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dit, les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Et un poète a dit, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Un auteur a dit, un poète a dit, je connais ou j'apprends le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe alors dedans. Celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe alors dedans. Et c'est le conseil des savants à l'ensemble des musulmans, et en particulier à ceux qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, à ceux qui font la da'wah, qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent connaître le bien comme le mal, ils doivent connaître la sunnah comme la bid'a, ils doivent connaître le tawhid comme un shirk, pour s'en préserver et pour aider les gens et pour leur montrer le mal et détruire toutes les ambiguïtés qui tournent autour de ce mal et de ces innovations. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a donné des exemples de tout ce qui est considéré comme une innovation dans la religion. Il dit rahimahullah, inna al-bid'ata al-mansusu 'ala dhalalatiha min ash-shari' hiya. L'innovation qui a été cité comme étant un égarement dans la religion est kullu ma 'arada as-sunnah min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqa'id wa law kana 'an ijtihad. Premièrement, tout ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles, des actes ou des croyances, même si elles émanent d'efforts de certains savants. À partir du moment où il y a une chose qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette chose soit une parole, un acte ou une croyance, eh bien, elle est considérée en islam comme une innovation. كل امر يتقرب الى الله به وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tous les actes que les gens font pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'a interdit le prophète صلى الله عليه وسلم. Tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit et que les gens font pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela est considéré également comme une innovation. كل امر لا يمكن ان يشرع الا بنص او توقيف ولا نص عليه فهو بدعه الا ما كان عن صحابي. Tout ce qui peut être fait que lorsqu'il y a une preuve du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a pas de preuve de cela, alors c'est une innovation en islam. Tout acte qui ne peut être le fruit de l'imagination de l'être humain, un acte d'adoration que tu fais, que tu ne peux faire que s'il y a un hadith ou un verset, un hadith du prophète sallam ou un verset du Coran. Mais il n'y a ni verset ni Coran, il n'y a ni sunna, il n'y a ni hadith à ce sujet, ni verset à ce sujet, alors de faire cela est une innovation. ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. نعم. الذي يسي أو من صحابي. أيوة. إلا ما كان عن صحابي. أحسنت. Sauf ce qui a été rapporté d'un compagnon. Sauf ce qui a été rapporté d'un compagnon. C'est-à-dire si un compagnon fait un acte d'adoration ou dit une chose qui fait partie des croyances et que cette chose ne peut sortir de lui, ne peut émaner que de lui, mais n'émane que du professeur sallam, alors cela est considéré comme une sunna. D'accord ? Comme par exemple que Al-Kursi huwa mawdi'u al-qadamayn vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le trône, il y a Al-Arsh et il y a Al-Kursi. Al-Arsh, c'est le trône. Allah subhanahu wa ta'ala est établi au-dessus de son trône et il y a Al-Kursi qui est, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, le repose-pied. D'accord ? Or, il n'y a pas de hadith du professeur sallam qui nous parle, qui stipule que Al-Kursi, c'est le repose-pied. Mais la parole d'Abdullah ibn Abbas, qui a été rapportée de façon authentique, Abdullah ibn Abbas, a-t-il pu imaginer une telle chose ? Ou inventer une chose de lui-même ? Non, ce sont des choses en rapport avec l'invisible. S'il a dit cela, c'est qu'il a obligatoirement entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne connaissons pas de compagnons qui ont contredit Abdullah ibn Abbas dans sa parole. Donc, la parole d'Abdullah ibn Abbas, laha hukmu al-marfu'. La parole d'Abdullah ibn Abbas, on la considère comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est considérée comme une sunna. Et ainsi, elle pouvait faire l'analogie sur tous les autres sujets. Ma ulsiqa bil ibadati min adat al kuffar. Tout ce qui a été ajouté aux innovations parmi les habitudes des mécréants, des non-musulmans. Cela fait partie des innovations également. Ma nassa ala istihbabihi ba'd al ulama siyam al mutaakhirin minhum wa la dalil alayhi. Ce que certains savants contemporains ont jugé comme étant préférable sans avoir de preuves. Cela est considéré également comme une innovation. Ou tout autre, tout acte d'adoration dont la description a été rapportée ou n'a été rapportée que dans des hadiths faibles ou mensongers. Comme dans des hadiths faibles ou mensongers. Par exemple, pour les savants qui considèrent que Salat al-Tasabih, le hadith est faible. Car il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains savants considèrent Salat al-Tasabih, le hadith de Salat al-Tasabih comme étant Hassan, d'autres le rendent faible. Et ceux qui le rendent faible disent même que c'est une innovation de faire Salat al-Tasabih. Pourquoi ? Car la description de Salat al-Tasabih elle n'était rapportée que dans un hadith faible ou mensonger. Donc, elle est considérée comme une innovation. Il n'y a aucun autre hadith jugé bon ou authentique, selon l'avis des savants, qui rapporte de façon bien précise la description de Salat al-Tasabih. Al-Ghulu fil ibadah, l'abus dans les actes d'adoration, cela aussi fait partie des innovations. وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو الصفة أو العدد وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى فلنشرع الآن في المقصود فأقول. Il dit également tout acte d'adoration que l'islam a légiféré de façon générale, mais que les gens ont spécifié dans un endroit bien précis ou dans un moment bien précis ou d'une façon bien précise ou bien alors un nombre bien précis. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala ou le professeur sallam nous conseille de faire un nawafil. D'accord ? Et que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dira "Unduru hal 'abdi min tatawwu". Regardez si mon serviteur a fait des prières surérogatoires afin qu'elle complète ses prières. Donc un nawafil en islam c'est autorisé de façon générale. Tu as le droit de faire autant de rak'at que tu veux durant les heures autorisées bien sûr. Mais de dire par exemple non, moi je vais faire tous les jours 15 raka'at après le dhuhr. Je vais en faire 25 avant l'asr. Je vais en faire 18 après le maghrib. Là, tu as spécifié une adoration qui à la base est générale. Tu l'as spécifié en nombre en disant 25, 15, 18, et tu l'as spécifié en temps en disant bah, les 15 je les fais après le dhuhr, les 25 après l'asr. Cela fait partie des innovations islam, car tu as restreint une chose que la religion n'a pas restreinte. Wallah. Je voulais savoir, la lecture du Coran. Même est-ce qu'il y a des pareils, quoi, c'est-à-dire si on l'a restreint à une heure, à un temps déterminé, le considère comme une déjà. Allahu a'lam, il a adri. Non. Donc parmi les innovations que Cheikh Rahimahullah a citées, premièrement, il a divisé les innovations en fonction du moment. Du moment de la mort, avant la mort, après la mort, au moment du lavage, au moment de l'enterrement, etc., etc. Donc la première chose, c'est avant la mort, qabla al-wafa. Parmi les innovations, i'tiqadu ba'dihim anna ash-shayatin ya'tuna al-muhtadir 'ala sifati abawayhi fi zay yahudi wa nasrani hatta ya'ridu 'alayhi kullun rahmukallah kullu millatin li yudillu. Premièrement, de croire que les diables viennent à proximité de celui qui agonise et qu'ils viennent sous la forme de leurs parents, de ses parents, et l'un ressemblant à un juif, l'autre à un chrétien, et chacun de ses parents lui ordonne de le suivre. L'un lui dit suis la religion juive, l'autre lui dit suis la religion chrétienne. Cela fait partie des croyances fausses, et le hadith à ce sujet est mardoua, et il n'y a même pas de hadith rapporté à ce sujet. Une autre innovation qui est interdite à faire, c'est de poser le Coran au niveau de la tête de celui qui agonise, de poser un mushaf, وَضْعُ الْمُصْحَفِ عِنْدَ رَأْسِ الْمُحْتَضِرِ قِرَاءَةُ سُورَةِ يَسِينَ عَلَى الْمُحْتَضِرِ, de lire sourate Yassine sur celui qui agonise. توجيه المحتضر إلى القبلة, de diriger celui qui agonise en direction de la Qibla. Cela fait partie également des innovations. Le fait que Shayatin vienne vers lui, il n'y a pas un Shayatin qui vient vers l'insan et qui dit Akfar ou bien Bon Sato ou la Lama. Allah Alam, j'ai pas le hadith en tête, j'ai pas l'authenticité du hadith en tête, mais là, le Cheikh Al-Abani Rahimullah a parlé de façon précise. Car certains pensent que les parents viennent sous forme de juifs et de chrétiens, de façon bien précise, et que le père qui est juif par exemple, ou qui apparaît comme étant un juif, dit suis-moi, et la mère qui paraît comme chrétienne lui dit aussi suis-moi, et de cette façon bien précise. Après, est-ce qu'il y a des diables qui viennent éprouver la personne au moment de sa mort? Alors là, il faudrait retourner. D'accord, l'imam Ahmed dit la mort. Après son fils il dit la ilaha illallah, il dit non. Après son fils il dit mais pourquoi tu dis non, il a dit. C'est parce que Shaitan il vient vers moi en mordant ses doigts en disant ouais, tu as gagné. Il dit non, j'ai pas encore gagné. Je connais pas cette erreur. Mumkin, mais il y a pas de. Ça contredit pas ce qu'on a dit. Là, Cheikh Rabbi Allah parle de façon bien précise. Non. Ba'd al-wafa, après la mort. Ikhraj al-ha'id wa al-nufasa wa al-junub min 'indi. Après la mort, certains expulsent les femmes qui ont leur menstrue ou qui ont leur louchi, ou les hommes qui sont en état de grande impureté leur dit de sortir et de s'éloigner du mort, comme si c'était des monstres et des personnes indésirables autour du mort. Cela n'a aucune source dans l'islam. Talku shurli mimman hadara khuruj ruh al-mayyit hatta yamdi alayhi sab'at ayyam. Certains délaissent le travail, ceux qui ont assisté à la mort de la personne délaissent le travail, ne travaillent pas pendant 7 jours en pensant que cela est interdit pour eux de travailler car ils ont assisté à la mort de cette personne. Comme c'est l'important. اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات. Certains pensent que l'âme du mort tourne autour de l'endroit où il est mort. إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. De laisser une bougie auprès du mort la nuit où il est mort, et ceci jusqu'au lendemain. وَضْعُ غُصُنْ أَخْضَرْ فِي الْغُرْفَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا. De poser des branches vertes dans la chambre où il est mort. Cela également fait partie des innovations. قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. De lire le Coran sur le mort jusqu'à ce que l'on entame son lavage. تقليم أظافر الميت وحلق عانته. De couper les ongles du mort et de raser son pubis. إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه. De rentrer du coton dans son derrière, dans sa gorge et dans son nez. Cela également fait partie des innovations. Et on avait parlé de ce sujet concernant le fait de mettre du coton sur les narines, le derrière, etc. On avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet ? On avait besoin de le faire, on le faisait. Non, qu'il y avait certains morts ou qui connaissaient des écoulements perpétuels et qu'il était nécessaire pour ne pas salir al-kafan de boucher les orifices ou les orifices qui laissent couler certains liquides, de les boucher avec du coton. Et Allah alam, Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité cette innovation dans le laps de temps qui est après la mort. Il ne l'a pas cité dans le lavage, dans le ghusl. Et Al-Ulama rahimahullah, les savants, et en particulier les savants de l'ilm al-hadith, sont très précis dans leurs paroles et dans ce qu'ils disent. Donc Allah alam, ce qu'il faut comprendre de la parole de Cheikh Nasser rahimahullah, lorsqu'il cite le fait de couvrir les orifices comme les narines, le derrière, etc., avec du coton, il parle après la mort. Car là, il n'y a pas de nécessité. Certains pensent que il y a une chose, c'est utile de faire ça après la mort. Mais concernant le lavage, certains savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ont dit de façon claire et nette que cela était autorisé lorsqu'il y en avait la nécessité. Même le fait de couper les ongles, cela c'est avant le lavage que c'est interdit, mais au moment du lavage, si cela est nécessaire, alors de couper les ongles du mort. جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك لا يملا عين ابن ادم الا التراب. De prendre du sable et de le verser sur les yeux du mort en disant à ce moment, au moment où on verse le sable sur les yeux, la yamla'u 'ayn ibn adam illa turab, ne remplit les yeux des fils d'Adam que la terre et le sable. Cela est une innovation. Tanku ahli al-mayyit al-akl hatta yafragu min dafni. Yani le fait que les proches du mort s'abstiennent de manger jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. Iltizam al-buka hina al-ghada wa al-'asha, de pleurer au moment du déjeuner et au moment du dîner. إعفاءُ بعضهم عن لحيته حزناً على الميت. Certains laissent pousser leur barbe pour montrer leur tristesse et leur malheur vis-à-vis de la mort de leurs proches. Cela est une innovation. Et ça fait partie des choses حق أريد بها أو أريد به بعض. Et ce sont des choses qui sont vraies, mais qui sont faites pour des choses fausses. Et ceci est interdit. En islam, l'homme doit laisser pousser sa barbe. Le professeur Asselam, dans des dizaines et des dizaines de hadiths, a dit « A'fou l'liha, laissez pousser vos barbes. Khalifou l'yahouda wa nasara, ne faites pas comme les juifs et les chrétiens. Houfou l'shawarib, taillez vos moustaches. Wa a'fou l'liha, wa a'firou l'liha. » Dans plusieurs hadiths, le professeur Asselam a ordonné de façon claire et de façon précise aux hommes de laisser pousser leur barbe. Mais de laisser pousser la barbe parce que l'un de tes proches est décédé pour montrer ta tristesse, etc., cela est interdit, et c'est même une ressemblance aux non-musulmans, car cela est propre aux non-musulmans. Ah, même le fait de laisser pousser la barbe pendant un mois de Ramadan. Allahu a'lam. L'aide. ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره ويرون أنه نجس ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه. Donc certains délaissent ou n'utilisent pas l'eau qui est présente dans la maison où est mort, yani l'eau qui était contenue dans des jarres ou des grandes jarres, n'utilisent pas cette eau car ils pensent que lorsque l'âme est sortie, eh bien elle a plongé dedans. Certains pensent cela. تَرْكُ أَكْلِ الْلُحُومِ وَالْمَلَاعِقِ الْمُشَوِّيَةِ وَالْكُبَّةِ. Donc de délaisser également, certains délaissent, ne mangent pas de viande et de viande normale cuite ou de viande grillée. ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر. Certains ne lavent pas les vêtements du mort jusqu'au troisième jour en pensant que cela détournera le châtiment de la tombe pour ce mort. Cela également est une innovation. قول بعضهم إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة. Certains disent que celui qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, eh bien, il ne sera châtié dans sa tombe qu'une heure, et que ensuite le châtiment s'arrêtera et ne reviendra ou ne recommencera que le jour du jugement. Cela n'a aucune source dans la religion. D'annoncer la mort de quelqu'un ou des gens au-dessus des manabir. Certains font cela à chaque fois que quelqu'un meurt, eh bien, il se dirige à la mosquée, monte sur le minbar et disent un tel est mort aujourd'hui, un tel est mort tel jour, etc. Cela fait partie des innovations. قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان على روح فلان. Certains disent lorsque l'on leur apprend la mort de quelqu'un, الفاتحة على روح فلان. الفاتحة, c'est-à-dire la lecture de الفاتحة sur l'âme de telle et telle personne qui est décédée. Cela est une innovation à la religion. La sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque l'on apprend la mort de quelqu'un, c'est de dire إن لله وإن إليه راجعون. Les innovations lors du lavage du mort, عند غسل الميت, وضع رفيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه ثلاث ليال بعد موته. De poser du pain ou une miche de pain ainsi que de l'eau dans l'endroit où a été lavé le mort, et ceci trois jours, et ceci durant les trois nuits qui ont suivi sa mort. إقاد السراج والقنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها وعند بعضهم سبع ليال وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. Certains allument des bougies et des lampes dans l'endroit où était lavé le mort, ceci pendant trois nuits, du coucher du soleil jusqu'au lever. Certains le font pendant sept nuits et d'autres plus encore. Et ils font cela également dans l'endroit où est mort le mort. ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله. Certains, de faire des rappels ou des invocations, ni que celui qui lave fasse des rappels bien précis et des invocations bien précises à chaque fois qu'il lave un des membres du défunt. Lorsqu'il lave ses mains, il dit une invocation ou indique. Lorsqu'il lave son visage, ses pieds, etc. Cela n'a aucune source dans l'islam. الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. D'élever sa voix en faisant du dhikr lors du lavage du mort, ou bien lorsque son convoi funèbre, est suivi. سدل شعر الميتة من بين ثديها. De lâcher les cheveux de la femme et de les mettre entre ses seins. Cela est une innovation en islam. La sunna du professeur Asselin, c'est de lui faire trois nattes et de les mettre derrière. Al-kafan wal-khuruj bil-janaza. Les innovations en matière de linceul et lorsque l'on sort le mort pour l'emmener au cimetière. Kitabatu du'a'in al-kafan. D'écrire des invocations sur le linceul. Cela est une innovation. Tazyin al-janaza, d'embellir le convoi funèbre. Et de mettre des fleurs, des roses, etc. etc. Cela n'a pas de source dans la religion. Haml al-i'lami aw al-a'lam amam al-janaza, de porter des drapeaux devant le cortège funèbre. Ah bon, j'ai une question. Non. Il n'y avait pas un hadith du prophète Rasoul de passer devant une tombe. Il a dit que cette personne va se faire adbub, alors il a arraché un arbre, une branche, il l'a mis. Il a dit tant que la branche ne sera pas morte, ça va lui faire du bien dans son. Non. C'est sahih ça ou non? Non, mais sahih, c'est sahih muslim. Mais est-ce que nous on peut faire ça, non? Allahu a'lam, je ne sais pas si on peut le faire, mais le hadith est dans sahih muslim où le prophète Zem a cité ce hadith. Lorsqu'il a parlé des gens qui. Les yu'adaban ou yu'adaban fi kabir. Les deux tombes. qui se font châtier, mais ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Et dans une autre version, bal huwa kabir, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont faciles à faire, mais qui sont graves en conséquence. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima, quant à l'un d'entre eux, il faisait la médisance entre les gens. Wa amma al-akha fakana la yastatiru min bawli, quant à l'autre, il ne se protégeait pas de son urine. Et les savants ont donné deux explications à ce hadith, ceux qui ont des souvenirs. Amma ahaduhuma wa amma al-akha fakana la yastatiru min bawli. Il y a deux explications. Non. C'est quand il urinait, il faisait pas attention que les. Non. Lorsqu'il urinait, la première explication, lorsqu'il urinait, il ne faisait pas attention aux éclaboussements. Et la deuxième, c'est que carrément, il s'est subi pas. Non. La deuxième, c'est-à-dire qu'il ne se cachait pas du regard des gens. Et le professeur Sem a planté une branche d'arbre mûr encore qui était verte. Et le professeur Sem a dit, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège leur châtiment tant que ce bout de bois reste encore un nez debout. Non. Bishafa'ati. Non, barakallahu fik. Donc le frère dit qu'il y a une ziyada du hadith qui stipule que c'est une intercession du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc si cette ziyada est authentique, ce fait n'est propre qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas aux autres. Wallahu a'lam. Hamlu al-akyal wa zuhur wa surat al-mayyit amam al-janazah. De prendre, de porter des couronnes et de mettre des roses et des photos du mort devant le cortège funèbre. Cela est une innovation. ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. Dégorger un mouton au moment où le mort est sorti de chez lui, sur le pied de la porte. Au niveau de la porte, certains préparent déjà le mouton, et lorsque le mort sort, à ce moment-là, ils égorgent le mouton. حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. Certains prennent du pain et des moutons devant le cortège funèbre et égorgent ce mouton une fois le mort enterré, puis distribuent la viande et le pain aux gens. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حاملها وأسرعت. Certains pensent que lorsque le mort était quelqu'un de vertueux, alors il s'allège, son corps s'allège et ceux qui le portent ne ressentent pas le poids et ainsi le ramènent de façon plus rapide au cimetière. Et certains pensent que lorsque la personne qui est défunte était une personne pieuse, son corps n'est pas lourd mais est léger, et ceux qui le portent ne ressentent pas le poids de ce mort, donc vont plus vite encore pour aller l'enterrer dans le cimetière. Vous avez compris ? إخراج الصدقة مع الجنازة. Certains sortent la sadaqa et donnent de l'aumône au moment où le cortège funèbre est sorti. التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. Certains disent qu'il faut absolument prendre le mort sur sa civière, de prendre tout d'abord les côtés droits de la civière et ensuite le côté gauche. Certains disent qu'il est obligatoire de faire cela. التزام البدء. Cela n'a aucune source dans la religion. Al-ibta'u fi sayri biha, de transporter le cortège funèbre de façon lente, cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de s'empresser que la personne était vertueuse, pieuse ou non. Tarku al-iqtirab min al-janaza, de délaisser le rapprochement du cortège funèbre. ترك الانصات في الجنازه, de délaisser le silence lorsque l'on suit les cortèges funèbres. Et ceci, délaisser le silence, que ce soit en élevant la voix, en lisant du Coran, des invocations ou autre, cela est interdit. On l'avait vu qu'il était interdit d'élever la voix lorsqu'on suit les cortèges funèbres, que tu élèves la voix en en lisant du Coran, en faisant des invocations, du dhikr, quelle que soit la chose. Et ce qui est encore le plus interdit, c'est lorsque les gens parlent entre eux. Certains suivent les cortèges funèbres et puis discutent entre eux de tout et de n'importe quoi. Voilà, de Bélair. Al-Jahru bil-Zikri, ou bi-Qira'at al-Qur'an, ou il-Burdah, ou Dala'il al-Khayrat, ou Nahwi Dalik. De lire de façon, à voix haute, des rappels du Coran, ou al-Burdah, qui est connu, ou Dala'il al-Khayrat, qui est aussi un livre connu. الصياح خلف الجنازة باستغفر له يغفر الله لكم. De crier derrière le cortège funèbre, demander le pardon, demander le pardon d'Allah pour lui, qu'Allah vous pardonne. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حاملها. Certains pensent que lorsque l'on porte le cortège funèbre et si ce mort était quelqu'un de pieux, eh bien, le cortège s'arrêtera lorsqu'il passera à proximité de la tombe d'un saint ou d'une autre personne pieuse, et cela même si ceux qui le portent ne le veulent pas. Non. Ittiba'u al-mayyit bi-majmara, de suivre le cortège funèbre en ayant le suivant, en ayant un brûle-parfum, al-jambre, là où on fait le charbon qui est utilisé pour brûler le parfum. الطواف بها حول البيت العتيق سبعا. Certains font le tawaf avec al-janaza 7 fois autour de la Kaaba. الإعلام بالجنازة على أبواب المساجد, d'annoncer la venue du cortège funèbre aux portes des mosquées. Cela est une innovation également en islam. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات, de transporter de façon systématique le mort dans une voiture et d'escorter également son cortège avec des voitures. Cela fait partie des innovations dans la religion. Certains mettent même les morts dans... Qu'est-ce que c'est, arabat al-madfa? Dans des chars. Non, certains les mettent dans des chars. Les chars militaires. As-salatu alayha. Donc les innovations en matière de prière sur le mort. As-salatu ala janaiz al-muslimin alladhina matu fi aqtal al-ardi. Salat al-ghaibi ba'd al-ghurub min kulli yawm. De prier sur l'ensemble des morts des musulmans qui sont morts dans n'importe quel coin de la terre, et ceci après salat al-maghrib. De chaque jour. Certains font cela à l'heure de, après le maghrib de chaque jour, ils font la prière de l'absent pour tous les morts musulmans qui sont morts ce jour-là dans l'ensemble de la planète. Naz'ul na'layni 'inda as-salati 'alayha wa law lam yakun fihima najasa zahira thumma al-wuqufu 'alayhima. D'enlever ces sandales lors de la prière sur le mort, même s'il n'y a pas de saleté, puis de poser ses pieds dessus. Certains, lorsqu'ils prient sur le mort, enlèvent leurs sandales, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils posent leurs pieds dessus. Cela est une innovation dans la religion. Et en parlant de sandales, il y a une chose qu'on avait oublié de dire, plutôt que j'avais oublié de dire la semaine dernière, c'est que celui qui visite les tombes doit enlever ses sandales. Celui qui visite les tombes doit enlever ses sandales, car le professeur Hassan a vu un homme marcher entre les tombes et lui a dit... Il lui a dit, oh, toi qui portes les deux sandales, enlève-les. C'est-à-dire, avant que tu rentres dans une maqbara, tu enlèves tes sandales. Même s'il y a des chemins exprès pour aller à... Même s'il y a des chemins exprès, non. Même s'il y a des chemins exprès, tu marches pieds nus ou en chaussettes comme tu veux. Non. Qira'at du'a al-istiftah. De lire du'a al-istiftah durant la prière de al-janaza. Cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-dafnu wa tarabi'u. Les innovations en matière d'enterrement et de ce qui suit. Wad'u dami dhabiha allati dhubihat 'inda khuruj al-janaza min ad-dari fi qabr al-mayyit. De verser le sang de la bête qui a été égorgée lorsque le mort était sorti de chez lui, de verser le sang où? Dans sa tombe. Wa la yad billah. الذكر حول سرير الميت قبل دفنه, de faire des invocations autour de la civière du mort avant son enterrement. الأذان عند إدخال الميت في قبره, de faire l'adhan au moment où le mort est entré dans sa tombe. إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر, من قبل رأس القبر, de mettre le mort en commençant par le devant de la tombe et non le côté avant de la tombe, le côté où la tête sera déposée. Car on a vu la sunna du professeur Salam, c'est de commencer à rentrer le mort par où ? Par la fin de la tombe, qui est l'endroit où seront ses pieds. J'a'lu l'wisada ou nahwiha tahta ras al-mayt fi al-qabr, de mettre un oreiller ou toute autre chose semblable au niveau, sous la tête du mort dans sa tombe. Cela est une innovation. Rashu ma il warad ala al-mayt fi qabri, d'arroser le mort avec de l'eau de rose dans sa tombe. Qira'atu fatihati al-kitab 'inda ra's al-mayt wa fatihati al-baqara 'inda rijlayhi, de lire le sourate al-fatiha au niveau de la tête du mort dans sa tombe et de lire le début de l'Baqara au niveau de ses pieds. Cela est une innovation. قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَى الْمَيِّتِ, de lire du Coran lorsque le mort est recouvert de terre. تَلْقِينُ الْمَيِّتِ, de faire un talqin pour le mort. Cela est une innovation. Qu'est-ce que talqin ? De dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, de le dire pour que le mort, pour que celui à la base de talqin, il se fait pour celui qui agonise. À talqin, on le fait pour celui qui agonise, celui qui est encore vivant, qui est proche de la mort. On fait à talqin, on dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, pour que lui le répète. D'accord ? D'autres savants ont dit de dire, de lui ordonner de dire la ilaha illallah. Mais une fois mort, à quoi bon? À quoi bon sert de faire un talqin? السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها, d'habiter pendant une certaine période près de l'endroit où il a été enterré. امتناعهم من دخول الميت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت. Et certains s'interdisent de rentrer chez eux lorsqu'ils reviennent de l'enterrement jusqu'à avoir effacé toutes les traces du mort. وَضْعُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الْقَبْرِ لِيَأْخُذَهُ النَّاسِ, de poser de la nourriture et des boissons au niveau de la tombe pour que les gens les prennent. الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ, également de faire l'aumône au niveau de la tombe, cela est une innovation. التَّعْزِيَةُ وَمُلْحَقَاتِهَا, التَّعْزِيَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ, donc les innovations en matière de condoléances et tout ce qui s'y apporte. التَّعْزِيَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ, de faire les condoléances au niveau de la tombe. Cela est une innovation en islam. Quand est-ce que l'on fait les condoléances? Quand on rencontre les proches du mort. Al-ijtima'u fi makan at-ta'ziya, se rassembler dans un endroit pour faire les condoléances. Tahdid at-ta'ziya bi thalathati ayyam, de restreindre la condoléance à 3 jours. Cela est une innovation. Ittikhad ad-diyafati min ahli at-ta'am min at-ta'am min ahli al-mayyit, de prendre mais d'inviter les gens à venir faire les condoléances chez les proches de la famille, chez les proches du mort. اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة, d'inviter les gens chez les proches de la famille le premier jour, le septième jour, le quarantième jour et au bout d'une année. Ceci pour se commémorer le mort. Ceci est une innovation. اتخاذ الطعام من أهل الميت أول الخميس, de pour les gens, pour les proches du mort, d'inviter les gens le premier jeudi qui suit la mort du défunt. Cela est une innovation. إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام, de répondre à l'invitation des proches du mort pour manger. De répondre à leur invitation, c'est une innovation et c'est interdit en islam. Si les proches du mort t'invitent à manger chez eux, à cause de la mort de leurs proches, il était interdit de leur répondre. Il n'y a pas de jardin dans cette innovation. Voilà, là c'est clair que les innovations que Cheikh Nasser cite, il n'y a pas de. Inch'Allah, il n'y a pas de divergence dessus. التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. De faire des aumônes pour l'âme du mort, et ceci durant les trois mois qui sont Rajab, Sha'ban et Ramadan. Isfat al-Salah. Certains font même, délaissent la prière. Certains même délaissent la prière pour montrer la tristesse qu'ils ont. Nasb al-Khima al-Qabr. De monter une tente sur la tombe. Cela est une innovation. Hafru qabli. Il est aussi interdit de creuser sa tombe avant sa mort. Certains creusent leur tombe avant leur mort pour s'y préparer. C'est-à-dire, moi j'ai préparé ma mort, je vais déjà creuser ma tombe et je vais méditer et penser, et je vais voir l'endroit où je vais être enterré, et ceci me permet de bien préparer ma mort. Ceci est une innovation. Ziyarat al-Qubur, les innovations concernant les visites des tombes. Ziyarat al-Qabr al-Abawayn kulla jumu'ah. De visiter la tombe des parents tous les vendredis. Ziyaratul Qubur yawm Ashura, de visiter les tombes le jour de Ashura. Ziyaratuha laylatan nisf min Sha'ban wa iqadun nar 'indaha. De visiter les tombes la nuit du 15e jour de Sha'ban et d'allumer du feu à proximité. Zahabuhum ila al-maqabir fi yawmay al-'idayn wa Rajab wa Sha'ban wa Ramadan. D'aller visiter les tombes uniquement les deux jours des fêtes, ou bien le mois de Rajab, de Sha'ban, ou bien pendant le mois du Ramadan. Ziyaratuha yawm al-Eid, de les visiter uniquement le jour de l'Eid. Ziyaratuha yawm al-Ithnayn wal-Khamis, de visiter les tombes uniquement le lundi et le jeudi. Wuqufu ba'd al-za'irin qalilan bi ghayat al-khushu' 'inda al-bab ka'annahum yasta'dhinun thumma yadkhulun. Certains, avant d'entrer dans le cimetière, s'arrêtent, baissent leur tête et se concentrent comme s'ils attendaient l'autorisation d'entrer, puis entrent. Et lorsque tu entres dans le cimetière, rentre directement. Tu n'as pas à t'arrêter au niveau de la porte du cimetière, de réfléchir, de te concentrer, etc., de méditer, comme si tu attendais qu'on t'autorise à entrer. Al-Wuqufu amam al-Qabri wadi'an yadayhi kal-musalli thumma yajlis. Certains se lèvent devant la tombe en posant leurs mains sur la poitrine comme s'il priait, puis s'assied. At-tayammum li ziyarat al-qabr. Certains font at-tayammum lorsqu'ils vont visiter des tombes. Qira'atu al-Fatiha lil-mawta, de lire al-Fatiha pour les morts. Qira'atu Yasin 'ala al-maqabir, de lire sourate Yasin dans les cimetières, cela est une innovation. Fa hadha bid'atun fi ad-din. Qira'atu qul huwallahu ahad 11 marra, de lire qul huwallahu ahad lorsque tu visites les tombes 11 fois. Al-qira'atu 'ala maqabir ahli al-kitab za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun. De lire lorsque certains passent, lorsque l'on passe dans les cimetières des gens du livre, de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Les ceux qui ont mécru, yani ont dit ou ont cru qu'il ne serait pas ressuscité. Qul bala, dit bien sûr, par Allah vous serez ressuscité. Ceci est une innovation. Quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on passe lorsque l'on est dans un cimetière de non-musulmans ou que l'on passe à proximité, de dire Obashirukum bin nar ou abshiru bin nar. As-siyahu bit tahlili bayn al-qubur, de crier la ilaha illallah entre les tombes. Cela également est une innovation. تقديس ما حول قبر الولي من شجر وشجر وحجر واعتقاد ان من قطع شيء من ذلك يصاب بأذى. De considérer ce qu'il y a autour de la tombe d'une personne pieuse comme arbre, comme pierre, comme des choses sacrées, et celui qui coupe l'un de ces arbres ou arrache des feuilles, eh bien il sera atteint d'un mal. رشو الماء على قبر زوجة المتوافة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة. Certains arrosent d'eau la tombe de la femme qui est morte en laissant son mari, Puis, une fois son mari s'étant remarié avec une autre femme, il verse de l'eau dans la tombe de cette première épouse en disant que cela éteint le feu de la jalousie. Walayadu billah. As-safaru ila ziyarati qubur al-anbiya was-salihin. De voyager pour aller visiter les tombes des prophètes et des personnes pieuses. Concernant les tombes des prophètes, la règle c'est concernant la tombe des prophètes. Quelle est la seule tombe connue? Les tombes des prophètes qui sont connues sont celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yu'rafu bi tahdid aw la yuhaddad qabr nabi illa qabra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent qabr Ibrahim, il est à Dimash, disent que qabr Nuh alayhi salam il est au Yémen, etc. Il n'y a pas dans l'islam de texte où il n'y a pas de tombe d'un prophète et envoyé connu de façon précise, si ce n'est la tombe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tazin al-qabr, d'embellir la tombe, fait également partie des innovations. حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت. De prendre un mushaf dans la tombe, au cimetière, et de lire sur le mort. استلام القبر وتقبيله. D'essuyer ou de frotter d'essuyer la tombe, ou bien de l'embrasser. Cela fait partie des innovations. الذبح والتضحية عنده. De dégorger au pied de la tombe, cela est également est une innovation. De se diriger lors de l'invocation qui est faite dans le cimetière, de se diriger vers la tombe d'un homme pieux. Certains s'interdisent de tourner le dos vers la direction en direction de la tombe d'une personne pieuse. التوسل إلى الله تعالى بالمقبور d'utiliser ou de prendre le mort comme un intermédiaire avec Allah subhanahu wa ta'ala lors des invocations. الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرة. Certains, lorsqu'ils vont visiter des tombes, la tombe de personnes pieuses, lorsqu'ils sortent du cimetière, ils sortent comment? Al-Qahqara. Ils sortent en marchant à reculons. Ce que tu as cité avant, là, c'est Bidatun Shirkiya. Laquelle? Eh, ou Nashirk. Al-Tawassul, Naam, Nashirk. Tashis al-Khubur, de mettre du plâtre sur les tombes, cela est interdit. Naqshus mil mayyit wa tarikhi mawtihi al-Qabr. Fahada min al-Bida'a. De graver le nom du mort et la date de sa mort sur sa tombe. Bina'u al-masajidi wal-mashahidi 'ala al-qubur wal-athar. De construire une mosquée ou des monuments sur les tombes. Istiqbalu al-qabr fi as-salati ma'a istidbar al-ka'ba. De se diriger vers la tombe durant la prière en tournant le dos à la qibla. Cela est interdit. As-safar li ziyarati qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. De voyager pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une innovation. Bal as-safar li ziyarati masjid rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa laysa li ziyarati qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. At-tawassul bihi sallallahu alayhi wa sallam fa hada min al-bid'a. De prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire durant les invocations. De dire As-aluka bijahi Muhammad, cela est interdit en islam. Mais de demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala, At-tamassuh bil qabr al-sharif, d'essuyer ou de passer la main sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est interdit. At-tawafu bihi, de tourner autour également, est interdit. Wad'u al-yadi ala shabaki hajrati ou hujrati al-qabr al-sharif, ou de mettre ses mains ou d'attraper les barres de fer qui entourent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Italatul qiyam 'inda qabr an-nabawi lid-du'a li nafsihi mustaqbilan al-hujra. De rester longtemps debout devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer en sa faveur, et ceci en se mettant devant la tombe. Al-ijtima'u 'inda qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li qira'ati khatmah wa inshadi qasa'id, de se rassembler autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lire le Coran ou pour lire des poèmes. قوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم. Certains disent qu'il n'y a pas de différence quant au prophète صلى الله عليه وسلم, qu'il soit mort ou vivant, dans sa connaissance qu'il a ou dans sa vision qu'il a de la communauté. Il connaît, et certains disent que le prophète صلى الله عليه وسلم connaît l'état de sa communauté, connaît leurs problèmes, connaît ce qui les rend malheureux, et ceci qu'il soit mort comme vivant. Cela est une innovation et c'est une croyance fausse dont il faut s'éloigner et s'abstenir. Ainsi sont les quelques innovations que j'ai choisies de la liste qu'a cité Cheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. On aktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.